les soirs, tu venais au rendez-vous que je t'avais donné. Pour quelle raison cet abandon? Pourquoi ce soir n'es-tu pas avec moi? Pourquoi ce soir? Je croyais pourtant qu'on s'aimait. Oh, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi n'es-tu pas là? J'aimais tant t'avoir à mon bras. J'étais fier de t'avoir à moi. Tu épatais tous mes copains. Avec ton blue jean, tu étais si bien. Pourquoi ce soir? Je croyais pourtant qu'on s'aimait. Oh, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi n'es-tu pas? Encore dans ce bar, pourquoi ce soir? Je croyais pourtant qu'on s'aimait. Oh, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi n'es-tu pas là? C'est une fille que je vois là-bas. Une blonde, elle revient vers moi. Elle s'approche là si près de moi. Alors mademoiselle, venez donc avec moi ce soir. Mademoiselle, sortez donc avec moi ce soir. Tant pis pour toi, tu n'avais qu'à être là ce soir.